Chapitre 3. Lisabetta Ivanovna ôtait son châle et son chapeau quand la comtesse l'envoya chercher. Elle venait de faire remettre les chevaux à la voiture. Tandis qu'à la porte de la rue, deux laquais hissaient la vieille dame à grand-peine sur le marchepied, Lisabetta aperçut le jeune officier tout auprès d'elle. Elle sentit qu'il lui saisissait la main. La peur lui fit perdre la tête et l'officier avait déjà disparu, lui laissant un papier entre les doigts. Elle se hâta de le cacher dans son gant. Pendant toute la route, elle ne vit et n'entendit rien. En voiture, la comtesse avait l'habitude, sans cesse, de faire des questions. « Qui est cet homme qui nous a salués? Comment s'appelle ce pont? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette enseigne ?» Lisabetta répondait tout de travers. Elle se fit gronder par la comtesse. « Qu'as-tu donc aujourd'hui, petite? À quoi penses-tu donc? Ou bien, est-ce que tu ne m'entends pas? Je ne grasseille pourtant pas. » « Et je n'ai pas encore perdu la tête, hein ?» Lisabetta ne l'écoutait pas. De retour à la maison, elle courut s'enfermer dans sa chambre et tira la lettre de son gant. Elle n'était pas cachetée, et par conséquent, il était impossible de ne pas la lire. La lettre contenait des protestations d'amour. Elle était tendre, respectueuse, et mot pour mot traduite d'un roman allemand. Mais Lisabetta ne savait pas l'allemand, et en fut fort contente. Seulement, elle se trouvait bien embarrassée. Pour la première fois de sa vie, elle avait un secret. Être en correspondance avec un jeune homme. Sa témérité la faisait frémir. Elle se reprochait son imprudence et ne savait quel parti prendre. Cesser de travailler à la fenêtre et, à force de froideur, dégoûter le jeune officier de sa poursuite, lui renvoyer sa lettre, lui répondre d'une manière ferme et décidée. À quoi se résoudre? Elle n'avait ni ami, ni conseiller. Elle se résolut à répondre. Elle s'assit à sa table, prit du papier et une plume, et médita profondément. Plus d'une fois, elle commença une phrase, puis déchira la feuille. Le billet était tantôt trop sec, tantôt il manquait d'une juste réserve. Enfin, à grand-peine, elle réussit à composer quelques lignes dont elle fut satisfaite. « Je crois, écrivait-elle, que vos intentions sont celles d'un galant jeune homme et que vous ne voudriez pas m'offenser par une conduite irréfléchie. Mais vous comprendrez que notre connaissance ne peut commencer de la sorte. Je vous renvoie votre lettre et j'espère que vous ne me donnerez pas lieu de regretter mon imprudence. » Le lendemain, aussitôt qu'elle aperçut Hermann, elle quitta son métier, passa dans le salon, ouvrit le vasistas et jeta la lettre dans la rue, comptant bien que le jeune officier ne la laisserait pas s'égarer. En effet, Hermann la ramassa aussitôt et entra dans une boutique de confiseurs pour la lire. N'y trouvant rien de décourageant, il rentra chez lui, assez content du début de son intrigue amoureuse. Quelques jours après, une jeune personne aux yeux fort éveillés vint demander à parler à mademoiselle Lisabetta de la part d'une marchande de mode. Lisabetta ne la reçut pas sans inquiétude, prévoyant quelques mémoires arriérées. Mais sa surprise fut grande lorsqu'en ouvrant un papier qu'on lui remit, elle reconnut l'écriture de Hermann. « Ah, vous vous trompez, mademoiselle, cette lettre n'est pas pour moi. » « Je vous demande bien pardon, » répondit la modiste avec un sourire malin. « Prenez donc la peine de la lire. » Lisabetta y jeta les yeux. Hermann demandait un entretien. « C'est impossible, » s'écria-t-elle, effrayée de la hardiesse de la demande et de la manière dont elle lui était transmise. « Cette lettre n'est pas pour moi. » Elle la déchira en mille morceaux. « Si cette lettre n'est pas pour vous, mademoiselle, pourquoi la déchirez-vous ? » reprit la modiste. « Il fallait la renvoyer à la personne à qui elle était destinée. » « Mon Dieu, ma bonne, excusez-moi, » dit Lisabetta toute déconcertée. « Ne m'apportez plus jamais de lettre, je vous en prie, et dites à celui qui vous envoie qu'il devrait rougir de son procédé. » Mais Hermann n'était pas homme à lâcher prise. Chaque jour, Lisabetta recevait une lettre nouvelle, arrivant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, ce n'était plus des traductions de l'allemand qu'on lui envoyait. Hermann écrivait sous l'empire d'une passion violente et parlait une langue qui était bien la sienne. Lisabetta ne put tenir contre ce torrent d'éloquence. Elle reçut les lettres de bonne grâce et bientôt y répondit. Chaque jour, ses réponses devenaient plus longues et plus tendres. Enfin, elle lui jeta par la fenêtre le billet suivant. « Aujourd'hui, il y a bal chez l'ambassadeur de... La comtesse y va. Nous y resterons jusqu'à 2 heures. Voici comment vous pourrez me voir sans témoin. Dès que la comtesse sera partie, vers 11 heures, les gens ne manquent pas de s'éloigner. Il ne restera que le Suisse dans le vestibule, et il est presque toujours endormi dans son tonneau. Entrez dès que 11 heures sonneront, et aussitôt montez rapidement l'escalier. Si vous trouvez quelqu'un dans l'antichambre, vous demanderez si la comtesse est chez elle. On vous répondra qu'elle est sortie, et alors il faudra bien se résigner à partir. Mais très probablement vous ne rencontrerez personne. Les femmes de la comtesse sont toutes ensemble dans une chambre éloignée. Arrivez dans l'antichambre, prenez à gauche et allez tout droit devant vous jusqu'à ce que vous soyez dans la chambre à coucher de la comtesse. Là, derrière un grand paravent, vous trouverez 2 portes. Celle de droite ouvre dans un cabinet noir. Celle de gauche donne dans un corridor au bout duquel est un petit escalier tournant. Il mène à ma chambre. Hermann frémissait comme un tigre à l'affût en attendant l'heure du rendez-vous. Dès 10 heures, il était en faction devant la porte de la comtesse. Il faisait un temps affreux. Les vents étaient déchaînés, la neige tombait à larges flocons. Les réverbères ne jetaient qu'une lueur incertaine. Les rues étaient désertes. De temps en temps, passait un fiacre fouettant une rosse maigre et cherchant à découvrir un passant attardé. Couvert d'une mince redingote, Hermann ne sentait ni le vent ni la neige. Enfin parut la voiture de la comtesse. Il vit 2 grands laquais prendre par-dessous les bras ce spectre cassé et le déposer sur les coussins, bien empaqueté dans une énorme pelisse. Aussitôt après, enveloppée d'un petit manteau, la tête couronnée de fleurs naturelles, Lisabetta s'élança comme un trait dans la voiture. La portière se ferma et la voiture roula sourdement sur la neige molle. Le Suisse ferma la porte de la rue. Les fenêtres du premier étage devinrent sombres. Le silence régna dans la maison. Hermann se promenait de long en large. Bientôt, il s'approcha d'un réverbère et regarda sa montre. 11h20. Appuyé contre le réverbère, les yeux fixés sur l'aiguille, il comptait avec impatience les minutes qui restaient. À 11h juste, Hermann montait les degrés, ouvrait la porte de la rue, entrait dans le vestibule, en ce moment fort éclairé. Ô bonheur, point de Suisse. D'un pas ferme et rapide, il franchit l'escalier en un clin d'œil et se trouva dans l'antichambre. Là, devant une lampe, un valet de pied dormait, étendu dans une vieille bergère toute crasseuse. Hermann passa prestement devant lui et traversa la salle à manger et le salon où il n'y avait pas de lumière. La lampe de l'antichambre lui servait à se guider. Le voilà enfin dans la chambre à coucher. Devant l'armoire sainte, remplie de vieilles images, brûlait une lampe d'or. Des fauteuils dorés, des divans aux couleurs passées et aux coussins moelleux étaient disposés symétriquement le long des murailles tendues de soieries de la Chine. On remarquait d'abord 2 grands portraits peints par Madame Lebrun. L'un représentait un homme de 40 ans, gros et haut en couleur, en habit vert clair, avec une plaque sur la poitrine. Le second portrait était celui d'une jeune élégante, le nez aquilin, les cheveux relevés sur les tempes, avec de la poudre et une rose sur l'oreille. Dans tous les coins, on voyait des bergers en porcelaine de Saxe, des vases de toutes formes, des pendules de leur roi, des paniers, des éventails, et les 1000 joujoux à l'usage des dames, grandes découvertes du siècle dernier, contemporaines des ballons de Montgolfier et du magnétisme de Mesmer. Hermann passa derrière le paravent, qui cachait un petit lit en fer. Il aperçut les 2 portes, à droite, celle du cabinet noir, à gauche, celle du corridor. Il ouvrit cette dernière, vit le petit escalier qui conduisait chez la pauvre demoiselle de compagnie, puis il referma cette porte et entra dans le cabinet noir. Le temps s'écoulait lentement. Dans la maison, tout était tranquille. La pendule du salon sonna minuit et le silence recommença. Hermann était debout, appuyé contre un poêle sans feu. Il était calme. Son cœur battait par pulsations bien égales, comme celui d'un homme déterminé à braver tous les dangers qui s'offriront à lui parce qu'il les sait inévitables. Il entendit sonner une heure, puis deux heures, puis bientôt après le roulement lointain d'une voiture. Alors il se sentit ému malgré lui. La voiture approcha rapidement et s'arrêta. Grand bruit aussitôt de domestiques courant dans les escaliers, des voix confuses, tous les appartements s'illuminent et trois vieilles femmes de chambre entrent à la fois dans la chambre à coucher. Enfin paraît la comtesse, momie ambulante, qui se laisse tomber dans un grand fauteuil à la Voltaire. Hermann regardait par une fente. Il vit Lisabetta passer tout contre lui et il entendit son pas précipité dans le petit escalier tournant. Au fond du cœur, il sentit bien quelque chose comme un remords, mais cela passa. Son cœur redevint de pierre. La comtesse se mit à se déshabiller devant un miroir. On lui ôta sa coiffure de rose et on sépara sa perruque poudrée de ses cheveux à elle, tout ras et tout blanc. Les épingles tombaient en pluie autour d'elle. Sa robe jaune, lamée d'argent, glissa jusqu'à ses pieds gonflés. Hermann assista malgré lui à tous les détails peu ragoûtants d'une toilette de nuit. Enfin, la comtesse demeura en peignoir et en bonnet de nuit. En ce costume plus convenable à son âge, elle était un peu moins effroyable. Comme la plupart des vieilles gens, la comtesse était tourmentée par des insomnies. Après s'être déshabillée, elle fit rouler son fauteuil dans l'embrasure d'une fenêtre et congédia ses femmes. On éteignit les bougies et la chambre ne fut plus éclairée que par la lampe qui brûlait devant les saintes images. La comtesse, toute jaune, toute ratatinée, les lèvres pendantes, se balançait doucement à droite et à gauche. Dans ses yeux ternes, on lisait l'absence de la pensée, et en la regardant se brandiller ainsi, on eût dit qu'elle ne se mouvait pas par l'action de la volonté, mais par quelque mécanisme secret. Tout à coup, ce visage de mort changea d'expression. Les lèvres cessèrent de trembler, les yeux s'animèrent. Devant la comtesse, un inconnu venait de paraître. C'était Hermann. « N'ayez pas peur, madame, » dit Hermann à voix basse, mais en accentuant bien ses mots. « Pour l'amour de Dieu, n'ayez pas peur. Je ne veux pas vous faire le moindre mal. Au contraire, c'est une grâce que je viens implorer de vous. » La vieille le regardait en silence, comme si elle ne comprenait pas. Il crut qu'elle était sourde, et se penchant à son oreille, il répéta son exhorte. La comtesse continua à garder le silence. « Vous pouvez, » continua Hermann, « assurer le bonheur de toute ma vie, et sans qu'il vous en coûte rien. Je sais que vous pouvez me dire trois cartes qui... » Hermann s'arrêta. La comtesse comprit sans doute ce qu'on voulait d'elle. Peut-être cherchait-elle une réponse. Elle dit. « C'était une plaisanterie, je vous le jure, une plaisanterie. »« Non, madame, » répliqua Hermann d'un ton colère. « Souvenez-vous de Tchaplitsky que vous fîtes gagner. » La comtesse parut troublée. Un instant, ses traits exprimèrent une vive émotion, mais bientôt ils reprirent une immobilité stupide. « Ne pouvez-vous pas, » dit Hermann, « m'indiquer trois cartes gagnantes ?» La comtesse se taisait. Il continua. « Pourquoi garder pour vous ce secret ? Pour vos petits-fils ? Ils sont riches sans cela. Ils ne savent pas le prix de l'argent. À quoi leur serviraient vos trois cartes ? Ce sont des débauchés. Celui qui ne sait pas garder son patrimoine mourra dans l'indigence, eût-il la science des démons à ses ordres. Je suis un homme rangé, moi. Je connais le prix de l'argent. Vos trois cartes ne seront pas perdues pour moi. Allons. » Il s'arrêta, attendant une réponse en tremblant. La comtesse ne disait mot. Hermann se mit à genoux. Si votre cœur a jamais connu l'amour, si vous vous rappelez ces douces extases, si vous avez jamais souri au cri d'un nouveau-né, si quelque sentiment humain a jamais fait battre votre cœur, je vous en supplie, par l'amour d'un époux, d'un amant, d'une mère, par tout ce qu'il y a de saint dans la vie, ne rejetez pas ma prière. Révélez-moi votre secret. Voyons, peut-être se lie-t-il à quelque péché terrible, à la perte de votre bonheur éternel? N'auriez-vous pas fait quelque pacte diabolique? Pensez-y, vous êtes bien âgé, vous n'avez plus longtemps à vivre. Je suis prêt à prendre sur mon âme tous vos péchés, à en répondre seul devant Dieu. Dites-moi votre secret. Songez que le bonheur d'un homme se trouve entre vos mains, que non seulement moi, mais mes enfants, mes petits-enfants, nous bénirons tous votre mémoire et vous vénérerons comme une sainte. » La vieille comtesse ne répondit pas un mot. Hermann se releva. « Maudite vieille !» s'écria-t-il en grinçant des dents. « Je saurai bien te faire parler. » Et il tira un pistolet de sa poche. À la vue du pistolet, la comtesse, pour la seconde fois, montra une vive émotion. Sa tête branla plus fort. Elle étendit ses mains, comme pour écarter l'arme, puis, tout d'un coup, se renversant en arrière, elle demeura immobile. « Allons, cessez de faire l'enfant, » dit Hermann en lui saisissant la main. « Je vous adjure pour la dernière fois. Voulez-vous me dire vos trois cartes, oui ou non ?» La comtesse ne répondit pas. Hermann s'aperçut qu'elle était morte. Chapitre 4. Lisabetta Ivanovna était assise dans sa chambre, encore en toilette de bal, plongée dans une profonde méditation. De retour à la maison, elle s'était hâtée de congédier sa femme de chambre, en lui disant qu'elle n'avait besoin de personne pour se déshabiller, et elle était montée dans son appartement, tremblant d'y trouver Hermann, désirant de même ne l'y pas trouver. Du premier coup d'œil, elle s'assura de son absence et remercia le hasard qui avait fait manquer leur rendez-vous. Elle s'assit toute pensive, sans songer à changer de toilette, et se mit à repasser dans sa mémoire toutes les circonstances d'une liaison commencée depuis si peu de temps et qui pourtant l'avait déjà menée si loin. 3 semaines s'étaient à peine écoulées depuis que de sa fenêtre elle avait aperçu le jeune officier, et déjà elle lui avait écrit et il avait réussi à obtenir d'elle un rendez-vous la nuit. Elle savait son nom, voilà tout. Elle en avait reçu quantité de lettres, mais jamais il ne lui avait adressé la parole. Elle ne connaissait pas le son de sa voix. Jusqu'à ce soir-là même, chose étrange, elle n'avait jamais entendu parler de lui. Ce soir-là, Tomski, croyant s'apercevoir que la jeune princesse Pauline, auprès de laquelle il était fort assidu, coquetait contre son habitude avec un autre que lui, avait voulu s'en venger en faisant parade d'indifférence. Dans ce beau dessein, il avait invité Lisabetta pour une interminable mazurka. Il lui fit force plaisanterie sur sa partialité pour les officiers de l'armée du génie, et tout en feignant d'en savoir beaucoup plus qu'il n'en disait, il arriva que quelques-unes de ses plaisanteries tombèrent si justes que plus d'une fois Lisabetta put croire que son secret était découvert. « Mais enfin, dit-elle en souriant, de qui tenez-vous tout cela ?»« D'un ami de l'officier que vous savez, d'un homme très original. » « Et quel est cet homme si original ?»« Il s'appelle Hermann. » Elle ne répondit rien, mais elle sentit ses mains et ses pieds se glacer. « Hermann est un héros de roman, » continua Tomski. « Il a le profil de Napoléon et l'âme de Méphistophélès. Je crois qu'il a au moins 3 crimes sur la conscience. »« Comme vous êtes pâle. » »« J'ai la migraine. Eh bien, que vous a dit ce monsieur Hermann ? N'est-ce pas ainsi que vous l'appelez ?» Hermann est très mécontent de son ami, de l'officier du génie que vous connaissez. Il dit qu'à sa place il en userait autrement. Et puis je parierais que Hermann a ses projets sur vous. Du moins il paraît écouter avec un intérêt fort étrange les confidences de son ami. Et où m'a-t-il vu ? À l'église peut-être, à la promenade, Dieu sait où. Peut-être dans votre chambre pendant que vous dormiez. Il est capable de tout. En ce moment, 3 dames s'avançant, selon les us de la mazurka, pour l'inviter à choisir entre oubli ou regret, interrompirent une conversation qui excitait douloureusement la curiosité de Lisabetta Ivanovna. La dame qui, en vertu de ces infidélités que la mazurka autorise, venait d'être choisie par Tomski, était la princesse Pauline. Il y eut entre eux une grande explication pendant les évolutions répétées que la figure les obligeait à faire et la conduite très lente jusqu'à la chaise de la dame. De retour auprès de sa danseuse, Tomski ne pensait plus ni à Hermann ni à Lisabetta Ivanovna. Elle essaya vainement de continuer la conversation, mais la mazurka finit, et aussitôt après, la vieille comtesse se leva pour sortir. Les phrases mystérieuses de Tomski n'étaient autre chose que des platitudes à l'usage de la mazurka, mais elles étaient entrées profondément dans le cœur de la pauvre demoiselle de compagnie. Le portrait, ébauché par Tomski, lui parut d'une ressemblance frappante, et grâce à son érudition romanesque, elle voyait dans le visage assez insignifiant de son adorateur de quoi la charmer et l'effrayer tout à la fois. Elle était assise, les mains dégantées, les épaules nues. Sa tête parée de fleurs tombait sur sa poitrine, quand tout à coup, la porte s'ouvrit et Hermann entra. Elle tressaillit. « Où étiez-vous ? » lui demanda-t-elle toute tremblante. « Dans la chambre à coucher de la comtesse, » répondit Hermann. « Je la quitte à l'instant, elle est morte. » « Bon Dieu, que dites-vous ? » ?»« Je crains, » continua-t-il, « d'être cause de sa mort. » Lisabetta Ivanovna le regardait tout effaré, et la phrase de Tomski lui revint à la mémoire. « Il y a au moins 3 crimes sur la conscience. » Hermann s'assit auprès de la fenêtre et lui raconta tout. Elle l'écouta avec épouvante. Ainsi, ses lettres si passionnées, ses expressions brûlantes, cette poursuite si hardie, si obstinée, tout cela, l'amour ne l'avait pas inspiré. L'argent seul, voilà ce qui enflammait son âme. Elle qui n'avait que son cœur à lui offrir, pouvait-elle le rendre heureux? Pauvre enfant, elle avait été l'instrument aveugle d'un voleur, du meurtrier de sa vieille bienfaitrice. Elle pleurait amèrement dans l'agonie de son repentir. Hermann la regardait en silence, mais ni les larmes de l'infortunée, ni sa beauté, rendue plus touchante par la douleur, ne pouvait ébranler cette âme de fer. Il n'avait pas un remords en songeant à la mort de la comtesse. Une seule pensée le déchirait. C'était la perte irréparable du secret dont il avait attendu sa fortune. « Mais vous êtes un monstre !» s'écria Lisabetta après un long silence. « Je ne voulais pas la tuer, » répondit-il froidement. « Mon pistolet n'était pas chargé. » Ils demeurèrent longtemps sans se parler, sans se regarder. Le jour venait. Lisabetta éteignit la chandelle qui brûlait dans la bobèche. La chambre s'éclaira d'une lumière blafarde. Elle essuya ses yeux, noyés de pleurs, et les leva sur Hermann. Il était toujours près de la fenêtre, les bras croisés, fronçant le sourcil. Dans cette attitude, il lui rappela involontairement le portrait de Napoléon. Cette ressemblance l'accabla. « Comment vous faire sortir d'ici ? » lui dit-elle enfin. « Je pensais à vous faire sortir par l'escalier dérobé, mais il faudrait passer par la chambre de la comtesse, et j'ai trop peur. Dites-moi seulement où je trouverai cet escalier dérobé, j'irai bien seule. » Elle se leva, chercha dans un tiroir une clé qu'elle remit à Hermann en lui donnant tous les renseignements nécessaires. Hermann prit sa main glacée, déposa un baiser sur son front qu'elle baissait. Il sortit. Il descendit l'escalier tournant et entra dans la chambre de la comtesse. Elle était assise dans son fauteuil, toute raide. Les traits de son visage n'étaient point contractés. Il s'arrêta devant elle et la contempla quelque temps, comme pour s'assurer de l'effrayante réalité. Puis il entra dans le cabinet noir et, en tâtant la tapisserie, découvrit une petite porte qui ouvrait sur un escalier. En descendant, d'étranges idées lui vinrent en tête. « Par cet escalier, se disait-il, il y a quelque 60 ans, à pareille heure, sortant de cette chambre à coucher, en habit brodé, coiffé à l'oiseau royal, serrant son chapeau à 3 cornes contre sa poitrine, on aurait pu surprendre quelques galants, enterrés depuis de longues années, et aujourd'hui même, le cœur de sa vieille maîtresse a cessé de battre. » Au bout de l'escalier, il trouva une autre porte que sa clé ouvrit. Il entra dans un corridor, et bientôt, il gagna la rue.